Tu m'achètes un chocolat. Chocolat. Quand est-ce? Quand tu veux chocolat? Et pourquoi tu me parles de chocolat là? On travaille. Moi, tu m'achètes un chocolat. Ah ouais? Oui. Laquelle? Chocolat? Oui. T'as un Kinder Surprise? Oui. T'aimes bien ça, hein? Oui. J'ai le sage alors. Le Kinder Surprise. On va faire le gangster alors. Oui, si. Si. Oui. Moi, papa, à moi, est un gangster. Oui. Ces soirées agitées, il me dit que c'est studio, mais c'est vrai qu'il travaille dur, mais pas quand il a du rouge à lèvres sur les habits, ça c'est sûr. Dès l'ascenseur, il fait des clins d'œil aux mamans accompagnant leurs enfants. Il est épatant, pleure même d'un œil de tous les côtés, il n'arrête pas de mater comme ça, comme si il était recherché. Je ne suis jamais certain que c'est lui qui viendra me chercher. Avec un style, il a franchi une nouvelle petite amie. Mon papa c'est plus fort quand il entend pimpon, il s'évapore. Pas besoin de le voir avec un revolver. Mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Il fait partie du ministère amer. Mon papa à moi est un gangster. Derrière les barreaux, choisis le droit chemin. C'est le seul par lequel on ne se fait jamais attraper. Retiens bien, le savoir est une arme. Maintenant tu sais, le savoir est une arme, bébé. Ne l'oublie jamais. Mais des fois tu es blessé, souvent tu es armé. Les dames de la maternelle, de questions me martèlent. Elles n'arrêtent pas, pas sur toi, papa. Bébé, ton père a-t-il une fiancée? A-t-il beaucoup de billets? C'est vrai que c'est plus stylé de tous les papounets. Mais pourquoi y'a ta tête sur les journaux? Comme un dangereux rappeur qui va devant les tribunaux. Quand je dis la vérité, on veut toujours t'écraser. C'est eux, c'est sans passe. Oh, laisse pour le moment, tu comprendras une fois plus grand. Et quand elles continueront toutes à t'énerver, dis-leur. Ils me ramènent chaque semaine une nouvelle belle-mère. Mon papa à moi est un gangster. Une droite, gauche, crochet. Mais seulement quand le camarade a cherché. Ne jamais respecter quelqu'un qui ne te respecte pas. Il ne m'influence pas, juste me guide sur mes pas. Il manque des bonbons, gâteaux, super-héros, lapins et aussi des magnums, des fusils, des fusils. Sa maman, ma grand-mère le gronde. Des blagues qui fuient en moins d'une seconde. Il ne fait pas ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. Entre la vie, la nuit, l'artiste mystère. Son l'albi, le meilleur des pères. Mais fiston, y'aura toujours des détracteurs qui diront ton papa à toi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Il est parti du ministère amer. Mon papa à moi est un gangster. Mon papa est à moi. mon papa à moi, c'est un gangster. Attends, on va écouter. Spinaldi, son père c'est un gangster. Bon gangster. C'est pas moi, je suis pas pour être. Mais comme il est gangster, mais il est gangster, hein. Vous savez, il. Vous savez, vous êtes en casa com Cristiano agora. Je sais, le mari. Vous êtes en casa. Avec qui? Com